qui devient la patience une fois qu'il est tombé. La frustration vibratoire vous rend conscient du temps, vous amène à la destruction du temps psychologique qui résulte dans l'état de patience. C'est très profond. Les racines de la frustration vibratoire, c'est extraordinaire. Je pourrais faire un livre avec ça. Tant que c'est complexe, c'est simple. Mais c'est parce que ça touche à tout de la vie. Tout. Il n'y a rien qui est aussi généralisé dans la vie de l'homme, dans l'existence de l'homme que la frustration. Le seul temps que l'homme n'est pas frustré, c'est quand il dort. Non? Non, il n'est pas frustré. L'ego n'est pas là. La preuve, c'est qu'il y a des rêves nocturnes. Le jour où ça ne marche pas, ça. Il est. De la frustration. Moi, j'ai vécu une belle expérience d'une frustration. C'était assez fort aussi par rapport à ce que j'avais le jeu. J'ai vu tel de rien, j'étais un peu. Oui. Puis je marche. J'essayais d'avoir marché. Combien de temps tu as pas vu, je suis marche un peu. Après, la pauvre personne qui faisait référence, même toi. Donc, je te sentais, tu vas plein de nous, je parle. Ça, là, c'était une frustration là, pour moi, là, qui était. Mais t'as ça baissé, là. Quand j'ai dit, là, un instant, ma part, qui je suis, moi, j'allais me parler. Et je parlerai, là, moi, je suis. Mais je parlerai. Et puis, bon, c'est ça. Il y avait le soleil, là, au début, je m'en vais vers le soleil. Puis, je disais, parlez du soleil, on va-tu l'avoir plus tard? Puis, dites-moi ça, puis c'est tout de suite. Pas de niaise. Oh, bon, c'est ce que j'aurais pensé à faire des murs, là. Ça y est passé? Ben, je suis à mon pensée, je fais un peu, là. Bon, mais ça rien, ça. C'est bon. C'est bon. J'ai compris beaucoup de la personne. J'avais baissé. J'ai venu. Ça, là, j'ai envie de le. J'ai un feu, là. Ça, c'est une autre affaire que nous faisons. C'est bon, tu es sans l'esprit. Puis de nous autres, je suis plus fine. Par toi, là, un dimanche, je suis assis là. J'étais tellement avec toi, dans l'absolu. Puis pour pouvoir me dire ce que j'ai besoin, ils sont obligés de passer par toi. Je t'en trouve une un peu comprendre. Ben, quelqu'un, ça passe. La procédure, ça passe par ta bouche. Puis mon esprit, là, il a cherché partout le moyen de faire comprendre qu'il était là. Allez, je suis là. Là. Quand je disais, puis à fond, que le verre est mieux, ça m'a appris des chèques pour me rendre compte. Il y a une chèque qui change. Mais ça me donne un chèque pour faire une chèque pour me rendre compte. Je suis venue. Parce qu'on suit l'énergie de l'interférence. C'est comme monter de temps. Ils t'ont libéré. C'est ça. Après une colère, l'âme elle descend toujours un petit peu plus bas. Elle vient te rejoindre là pour voir. Elle descend.

Les gens s'imaginent que c'est la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. C'est pas la culture qui forme l'homme, qui forme la femme. Ça, c'est une hypothèse sociologique. Ça. C'est de la grosse brouse. C'est l'homme et la femme qui forment la culture. Qui donne à la culture sa couleur. Comment la société aurait les plus grands plans, les plus grands idéaux communistes ou capitalistes, si l'ego va penser à l'ego souffrir. J'ai eu un rapport de Lucie avant hier concernant l'état psychologique des masses aussi. Ça va de mal en pire. Ça devrait être de mieux en mieux, par rapport. Ça va de mal en pire. La mortalité enfantine, ça grandit. Les gens meurent plus jeunes qu'ils devaient, qu'il y a 20 ans. C'est pas normal. Il y a d'autres histoires de frustration. La frustration, ça fait vieillir là. Parce que ça embauche ses émotions, ça paralyse son mental. Puis il sculpte une ligne des deux. Qu'est-ce que tu fais quand tu culpabilises? Tu te rapetisses, tu te rapetisses, tu te rapetisses, tu te rapetisses. Mais rapetisse-toi mentalement et émotionnellement, mais éventuellement, tu ne plus rien. Mais tu arrêtes de te rapetisser, ben, tu grandis. Les gens se rapetissent puis ils se rapetissent. Fait que quand on a 60 ans, des petites mesures longuement. Je regarde les gars des asiles, pas des asiles, mais des maisons de Dieu, là. 70 ans, 75 ans, c'est juste pas des fils d'or. Quoi? Parce que. Culpabilité, puis ils pensent qu'ils ne valent plus rien, puis ils pensent que la société ne veut pas d'eux autres. Ben, tu penses que la société ne veut pas de toi, ben à ce moment-là, la société, tu penses que tu fais. Mais si tu t'en sers que la société, qu'elle en veut de tout, qu'elle n'en veut pas de toi, à ce moment-là, tu vas grandir. Ça va loin. La frustration. La frustration mène à la mort. C'est justement l'âme, là, quand elle réussit à mater son ego comme ça, il n'y a plus de mort. Non, c'est là l'immortalité. C'est ça l'immortalité. C'est là l'immortalité. Enfin, elle n'a plus besoin de partir, de laisser cette personne. Ah, et là, c'est commencé. Non, c'est là, la vie est finie, paf. La connexion est faite, l'électricité est à... L'homme est assez électrique quand c'est dedans. Tu peux pas être frustré. C'est le début de la vieillesse, la frustration. C'est cancer. Mais ça nous a jamais été expliqué, la frustration. Comme du monde. Le courant, on a pas le temps.

que quand tu penses que tu devrais devenir fou? Non. Non, non, quand tu deviens fou, c'est pas de frustration. C'est-à-dire que quand, pas quand tu deviens, quand tu penses que tu deviens fou, quand tu penses que tu deviens fou, c'est pas de frustration, ça. C'est que c'est un surcroît d'énergie que tu reçois. Tu reçois beaucoup d'énergie, là, puis tu vides trop, là, t'es pas capable de comprendre, t'es pas capable de saisir, t'es pas capable de le prendre. Non, tu comprends ce que tu vis, ce que je veux dire, ce que je comprends ce que je vis, mais les autres comprennent pas, c'est plus petit, tu te lèves. Ah ouais, là, ça n'a pas dit. Ben, peut-être que tu n'as pas compris. Toi, tu penses que t'es folle à ce moment-là, t'es pas là. Les gens pensent que t'es fou, là, t'es fou. Si t'es fou, puis les gens pensent que t'as l'air fou, ça te dérange pas. Puis si t'es pas fou, puis les gens pensent que t'as l'air fou, à ce moment-là, ça te dérange pas si tu sais que t'es pas fou. Le dernier plan où la frustration entre, c'est le mental, puis c'est là que la frustration devient vibratoire. La frustration vibratoire se situe dans le mental, en relation avec le mental supérieur. Parce qu'il s'ouvre le mental supérieur, ça s'ouvre cette affaire-là. Là, tu commences à sentir, ouais, c'est là que tu peux rien, tu sais pas ça, tu peux rien faire tout de suite. Tu deviens frustré. Vibratoire. Je pense que c'est à me dire, là, je pense. C'est quand l'intellect ne peut plus l'analyser. Puis là, tu dis, ben, tu sais, l'ego, lui, analyse, ça part. Puis là, t'as des choses qui t'arrivent, une vibration de mots, là, dans le champ. Là, ça passe pour l'intellect, là, tu sais. Parce que les goûts ne comprennent pas. Puis, étant donné que c'est l'information qui t'en envoie, mais si tu n'es pas prêt, tu vas capoter. C'est l'intérêt à l'individu. Il ne faut pas l'individu. Pour lui, c'est pas bon parti de savoir. Sa mémoire passée. Fait que ça crée une frustration dans le sens qu'il ne peut pas comprendre. Moi, je ne sais pas, je me dis, je pense, tu vois, à quoi il y a... C'est pas ça, c'est que, dans le sens que, on fonctionne dans, avec le mouvement. Ce que tu parles. Tout est clair, tout est correct, mais pour les autres... semble coupé de tout, mais pour les autres dans le système, c'est l'air de travail. Ça, c'est pas une frustration, c'est une tension. Oh, ça crée une tension. Ouais. Il y a une tension, il y a une différence entre une tension vibratoire et une frustration vibratoire. Une tension vibratoire, c'est... une réaction de l'ego qui sait ou qui réalise que le monde ne peut pas comprendre. Ça crée une tension vibratoire. C'est pas une frustration vibratoire. Ça ressemble, mais ça n'est pas. Parce qu'une tension vibratoire provient du fait que l'ego sait quelque chose que ceux autour de lui ne comprennent pas. Tu n'as rien à prouver. De rien prouver. Tandis qu'une frustration vibratoire provient de l'âme. Tandis qu'une tension vibratoire, ça vient des égaux autour de toi. C'est les égaux qui créent la tension. La tension vibratoire t'amène à la simplicité. Éventuellement, tu n'as plus de tension vibratoire parce que c'est centrique. Je pense qu'ils passeront ce qu'ils voudront, ça ne change rien. La même réaction.

Bernard, quand il y a un blocage comme ça au niveau de la créativité, des fois, on s'imaginait qu'on manquait de volonté. Quand tu es assis au bout de la table, là, comme madame dit, avec un café, là, ta cour, ça ne te tente plus, tu n'as plus de créativité. Là, tu dis, coudon, c'est-tu ma volonté? Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est là le jeu, là, qu'on s'imagine, c'est la volonté. C'est pas ça que je vous disais dans le séminaire. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils sont paresseux, c'est une illusion de l'ego. Quand je disais, vous allez arriver un jour à ne pas avoir des qualités et pas avoir des défauts. Vous commencez à comprendre ça, pas avoir des qualités et pas avoir des défauts. C'est ça. Parce que quand tu as des qualités et des défauts, tu joues dans le jeu de l'ego. Tu te culpabilises. Ouais. C'est pas pour rien que je disais. Faut que vous en arriviez à ne pas avoir des qualités et de ne pas avoir des défauts. C'est une trappe de l'ego. Là, tu n'es pas ici sur le bord de la table pendant 2 heures. Tu penses paresseux. Tu penses que tu n'as pas de volonté. Tu diminues en gros. Puis là, ça va loin parce que ce qui arrive, tu regardes les hommes qui travaillent dans l'industrie, les vendeurs. Les gars qui travaillent sous pression. 40-45 ans, qui s'y galère? Le gars est plat. Pourquoi? Parce que pendant des années de temps, il a vécu un rythme qui était déterminé par son corps de désir et non déterminé par sa relation avec l'homme. L'homme a dit, oh, prends un break, prends une semaine off. Va pas travailler demain matin. Reste chez vous. Appelle au bureau, dis-leur, t'es malade. L'ego ne veut pas ça. Il va parler de ma job. Le boss va dire que c'est qui se passe. Je n'ai pas ma commission. Il se crée. C'est ça qui se produit dans cette société. Pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas les dictées internes. Ils suivent les impressions et les pressions externes. C'est une pulsation que l'âme est. C'est une pulsation de l'âme. En somme, là, c'est comme si elle t'envoyait une idée, là, bon, fais ça demain, je ne vais pas travailler. Alors, c'est une pulsation. Regarde bien une chose. La liaison avec l'âme et l'ego est tellement forte, puis l'ego, c'est tellement peu, qui dit que chaque fois que vous êtes supposé de faire quelque chose, chaque fois que vous êtes supposé faire quelque chose que vous ne faites pas. Ou chaque fois que vous ne faites pas quelque chose que vous êtes supposé le faire, c'est l'opposé qui est la bonne réponse. Comprenez-vous ce que je dis? Bon, supposons que je travaille et puis là, demain matin, je n'ai pas le coup de me lever. Je ne l'ai pas. Je me force d'y aller. Ce que je devrais faire, c'est de ne pas y aller. Mais, c'est qu'on vit dans un système très, très, très, très avancé. Ce qui va pas être tard. Une fois, c'est mort. Deux fois, c'est mort. Trois fois, c'est mort. Le monde, c'est bien, il va s'en créer. Fait que c'est qui arrive. Si tu es à l'écoute d'eux autres, éventuellement, puis ton ego est assez libéré du corps astral, du corps de désir, éventuellement, ton ego va trouver un autre job. Ou il va avoir plus de liberté suivant sa santé. Mais il dit qu'on va toujours contre. Toujours contre, me prendre. Tout le temps, contre. On ruine notre santé. C'est ça. Puis on se rationalise. On parle de ma job, j'ai une famille à faire vivre. Tout ça, tu mets ça. Ça va loin. Il dit que ça va dans les fibres même de notre existence. On se force tout le temps. Puis on ne doit jamais se forcer. On nous a appris à nous forcer. On se force dans l'éducation. C'est notre rapport de l'éducation. Ah oui. Le devoir. On nous a obligé de voir des taux. Le devoir. Ce qu'il doit faire aujourd'hui. Le devoir. Besoin de faire plaisir aux gens. Mais là, ici, surtout pour les jeunes, Il ne comprenait pas ça psychologiquement, ce que je dis. C'est lié intérieurement. Parce que si vous comprenez psychologiquement ou si vous essayez de comprendre psychologiquement, vous allez déduire de ça que c'est comme ça qu'il faut agir. Comme ton frère qui a dit qu'il n'ira pas à l'université comme ingénieur parce que dans 20 ans, il va nous dire. Travaille aujourd'hui. Faut pas interpréter ce que je dis, faut sentir. Quand tu sens, à ce moment-là, tu arrives dans une situation de vie où tu as le goût de rester à l'île de la vie. Au moment où tu culpabilises pas, tu restes à l'île, tu sauves ta santé. Tu conserves ton énergie. Et n'interprétez pas ce que je dis, parce que je ne veux pas dire que c'est pas bon de l'avoir. C'est une qualité de l'ego de l'avoir. C'est la responsabilité. Mais il faut que le devoir soit le devoir. Et non, le pouvoir est une structure sur ta vie. C'est plus du devoir. Ça, c'est de l'esclavage. Quand le devoir devient de l'esclavage dans la société sur toi, c'est plus du devoir. Tu dois plus rien. Si tu continues, tu vas te rentrer en faute. Pour que le devoir soit ce qu'on a à faire. Hein? Pour que le devoir soit ce qu'on a à faire. Il faut que le devoir coïncide avec ce qu'on aime faire. Pas ce qu'on a. Au niveau de l'inconscient, parce que le devoir, c'est pas inconscient. Mais quand tu es inconscient, il faut que le devoir coïncide avec ce que tu aimes faire. Là, à ce moment-là, c'est bon. Et si le devoir ne coïncide pas avec ce que tu aimes faire, c'est plus du devoir. C'est de l'esclavage. Tu ruines ta santé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la bonne job. C'est la surprise. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la bonne job. C'est la surprise. Et il y en a, parce qu'on en rencontre des gens, on s'aperçoit que nous autres, on interprète ça comme ça. On dit que l'autre, c'est dans son élément. Souvent, il l'est pas. Souvent, il l'est pas, mais ça peut arriver qu'il soit pareil. Oui. D'accord. Il dit qu'il faut qu'on voie la vie sous tous ses angles. Parce que toute la vie est à l'envers. C'est sûr. Tout. Pas 95%, 100%. Quand tu réalises que la vie est 100% en envers, tu commences à réaliser que la vie est en envers. C'est quand tu commences à le réaliser, ça, tu passes à travers la vibration frustrante, là, t'en sors de ça, tu peux plus vivre. Oui, il y a un étranger, quoi, qui me dit, il dit, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, dans la vie? Oh, j'ai écrit des livres, mais je donne des raisons. J'ai écrit des livres, des fois, je me mets mon nom donné à la télévision. Et il dit, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai dit, je m'intéresse à la psychologie. C'est pas à la psychologie. C'est la psychologie. Puis, il dit, il va BRP. Bon, j'ai dit, je travaille. Je parle pas bien, non? Je suis là après 7 jours par mois. 7 jours par mois. Ça m'a fait pas rire. Oh, j'ai dit. 7 jours par mois, j'ai dit quoi? J'ai dit, vous ne devez pas vivre bien grosse. Ça risque de prix. Je pourrais peut-être vous acheter tout de suite. Ça lui a donné un choc. J'ai fait exprès parce que. L'homme, cet homme-là, c'est un gars qui se démerde. Il brûle. Sa santé n'est pas forte. Il est pogné des deux pieds dans la mort. Deux pieds dans la mort. Quand il est parti, tu vois, il dit, le chanceux, tu vois, Ça revient à l'expression, Bernard, s'écouter. S'écouter. Puis avant, on disait, écoute-toi pas, lève-toi, puis vas-y travailler. Ben, écoute bien ça. Il dit que pour s'écouter, il faut être très intelligent. C'est ça. Ça va. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de soi-même. Puis troisièmement, il ne faut pas avoir peur de s'écouter. C'est ça. Parce que si tu n'es pas intelligent à ce moment-là, tu vas avoir des doutes, tu t'écoutes. Si tu as peur de t'écouter, mais tu vas avoir peur de tes talents. C'était quoi l'autre? Pas avoir peur de s'écouter. Si tu as peur de t'écouter, tu t'écouteras pas. C'est là que tu vas te culpabiliser, tu vas t'imaginer que c'est de la paresse aussi. Pas nécessairement. Tu vas faire de l'overtime, tu vas travailler 40 heures par jour, faire plus de robots. Et nous, le boss met le pied en arrière et dit on ferme la compagnie, on a plus de super sur le prénom. Tu as une belle montre. Bon, on va en faire le travail pour notre frère, je pense, pendant 50 ans. Il y en a une montre. Le mec va t'en payer. On va sa montre. C'est marqué 50 ans. Monsieur Boucher, c'était Boucher? Non. Mon grand-père. Il a de voir. Faut comprendre vibratoirement ça, parce que si les gens ne comprennent pas vibratoirement toutes les choses, ils interprètent. Là, c'est pas bon. Regarde, non. Tout ce que je faisais là, c'était pas pareil. Il fallait que je raccourcisse un peu la jupe. La raccourcisse s'est passée, ça faisait trop petit. Je n'avais pas assez. Ils m'ont fait voir que tu ne pourras rien, tu veux que tu le l'écoutes parce que ça ne sera pas beau. Là, j'ai repris leur façon de les faire. Mais je me forçais à faire quelque chose qui n'aurait pas quitté. Finalement, j'ai arrêté. C'est en tête d'air. J'ai arrêté, là j'ai dit, ah, tiens, c'est ça. Là, j'ai raccourci que je fais correct. Le bon moulin qui est tout sauvé, il est correct. Et qu'est-ce que tu as fait, l'homme, quand le bout de votre parole? Changeons-tu de ma vie? Non, il dit qu'il n'a pas de qualité là-dedans. Cherchez pas de qualité là-dedans. Si l'ego ne fait pas de colère, c'est parce que ça ne fait pas partie de son environnement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de souffert de l'art. C'est l'affaire de souffrance. Si tu souffres beaucoup de l'âme, tu vas faire ta colère. Si tu sens bien la vibration de l'âme, si tu es spirituel, tu vas faire moins de colère que si tu es en dehors de la spiritualité. Comme lui, Michel, il n'est pas spirituel, il est plus apte à faire de la colère que vous. Moi, je ne suis pas spirituel, je suis plus apte à faire de la colère. Maurice, il commence à faire plus de colère. Être spirituel, c'est être dans l'ombre de la force. Dont se sert l'ego pour sécurisé. Sorry, I go to the next day at school. Go 9 to school, go on by. Quand tu es spirituel, tu as plus tendance à accepter ton sort. Quand tu le refuses, tu commences à être bonne. À accepter ton sort. Puis quand tu acceptes ton sort, tu ne descends pas la volonté cosmique en toi. C'est pas moi, c'est spirituel. Éventuellement, ça doit être dépassé. Parce que c'est quand tu dépasses la spiritualité que tes snares deviennent à toi de peau, puis là, ça va descendre la volonté. Mais si tu es spirituel, tu auras vraiment de volonté. Les gens spirituels n'ont pas de volonté. Non. Non, c'est pas la volonté que vous avez, c'est la force de caractère. Pas pareil. C'est la force de caractère que vous avez, c'est pas la volonté. La volonté, d'ailleurs, il y a la peur par nous autres qui nous l'a. Encore. Quand vous aurez de la volonté, vous ne serez plus conscient de votre personnalité. Vous avez de la force de caractère, vous avez de la détermination, mais c'est pas de la volonté, parce que la volonté, c'est une vibration qui part de l'âme. La seule temps que vous avez de la volonté, là, elle a eu de la volonté quand elle s'est fâchée. Là. Elle a eu de la volonté quand elle s'est fâchée. Mais ça ne reste pas tout le temps, cette énergie-là. Ça part après. Quand tu vis cette énergie-là, là, tu deviens comme bien mental. Là. Puis tu deviens comme tu es un cerveau figé. Là. Puis tu deviens comme. T'es sûr d'être sûr. T'es conscient. Tu deviens extrêmement conscient de. De pas de toi-même, tu deviens extrêmement conscient, point final. Tu deviens inébranlable. C'est une puissance, c'est un pouvoir. Puis après ça, ça part. Si vous avez fait l'expérience de la volonté, c'est quand vous êtes fâché. En relation. Parce que eux autres, quand ils ont fait l'expérience de la volonté, c'est parce qu'ils avaient le fou. C'est là qu'elle descendait. Elle a lu la volonté, l'expérience de la volonté. Mais la volonté est toujours en relation avec la vibration de l'âme, mais jamais en relation avec la détermination de l'ego. Ça, c'est du caractère. C'est pas que les gens pensent que le caractère, c'est la volonté. Non. Ça fait partie de la volonté, mais c'est pas de la volonté. C'est pas universel. C'est humain, c'est planétaire. C'est en relation avec le corps de désir. En dit, ta volonté, c'est pas en relation avec le corps de désir. Ça descend un titre, puis ça descend. Ton site, ça sort. Bon, tu peux rien contre ta volonté. T'en as pas pu te fâcher. Je sentais même pas que j'étais là, bon, à la tête. Tu sens pas ta personnalité. Quand elle dit que tu sens pas ta personnalité, tu sais. Je sentais même pas que j'avais du bien. J'avais rien dit ça. À un moment donné, tu vis un événement, tu leur dis, « Hey, ça peut avoir, moi, je suis pas obligée de vivre ça. » Vous allez me changer ça. Ça m'est arrivé la semaine dernière. En tout cas, j'avais quelque chose avec un patron, puis je devais faire un travail, puis il mettait les bâtons dans les roues. Alors, j'ai dit, « Écoute, je dois faire le travail, il met les bâtons dans les roues, élimine-moi ça, cet obstacle-là. » J'y pense plus. Il est parti chez lui 3 jours avec une rage dedans. Quand il est revenu... Ouais, ouais, ça coïncidait avec... Ça, ça coïncidait avec un reading. Ouais. Ça coïncide avec ça coïncide avec un reading. Mais je lui souhaitais pas d'être malade. Non. Mais... Il n'achète pas toujours demain. Non, j'étais surprise. Quand il est revenu, tous les renseignements m'arrivaient comme ça. Là. Il avait complètement changé d'attitude. Un reading, autrement dit, ton désir coïncide avec une action qu'ils vont faire. Une action dans sa vie à lui, à ce moment-là, qui coïncide aussi. Il n'y a pas nécessairement de lien. C'est qu'ils te font parler d'une certaine façon, puis ça coïncide avec telle activité. Voyez, quand vous avez des voyages, le corps sera libre. Le corps sera. Le corps de désir. Quand tu vas les voyages, tu peux t'amuser. Ça, c'est une. Pour eux autres, c'est une façon parfaite de changer les vibrations par voie astrale. De créer une frustration vibratoire. Mais à travers cette vibration-là, ils te font connaître, c'est-à-dire qu'ils te font réaliser quelque chose. Ils te font réaliser qu'il n'y a rien là. Oui, par contre, ils vont te faire réaliser sur un autre plan. Ils vont t'amener éventuellement à réaliser d'autres choses sur l'autre plan. Oui. Moi, en parlant de frustration, là, moi, quand j'étais petit gars, j'avais des amis, puis ils faisaient du ski, puis il y en a qui faisaient du patin roulette. Tu sais, ils faisaient toutes sortes de choses. Ils s'amusaient, vraiment. Non, en fait, c'est puis moi, rien de nord, faire de la raquette, faire du tennis, faire du ski. Ça me disait rien. Puis dans mon ego, ça me crée une tension, ça me crée une frustration. Je me disais, comment ça se fait? Je suis pas comme les autres. Tout le monde s'amuse. Là, c'est à moi qui est accroche. C'est pas le monde. C'est à moi qui est accroche. Puis après ça, quand après le contact, ben, tu réalises ce qui se passe, puis c'est que. Il contrôlait la vibration du corps astral. Fait que tu ne pouvais pas t'amuser comme tout le monde. Tandis que tes petits chums s'amusaient, puis tu ne pouvais pas t'amuser. Et ton égo en souffrait. Il était frustré. C'est toujours de même. Plus on devient conscient de ça, plus c'est de même.